applique au Ash'ariya hérétique, par le savant érudit Abd al-Rahman ibn Nasser al-Barrak. Question. On dit que certains ancêtres de l'islam, salaf, donnaient à l'attribut de la main d'Allah un autre sens que le sens apparent. Dans le verset, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, Aïd, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Il disait que le mot Aïd ici signifie puissance. Est-ce juste? Réponse. La louange est à Allah. Que le salut et la bénédiction soient sur le messager d'Allah. Après quoi? En effet, pour la parole d'Allah Ta'ala, le ciel nous l'avons construit par notre puissance, Aïd, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Sourate 51, verset 47. Les savants de l'explication du Coran ont dit au sujet du mot Aïd, c'est-à-dire par la puissance, et il n'y a pas de divergence dans cela. Quant au mot Aïd, dans ce verset, cela vient du verbe Aïda, Yaïdou, et cela signifie puissance, comme on l'a dit dans Sourate Sad, verset 17. Endure ce qu'ils disent. Et rappelle-toi, David, notre serviteur, doué de force, Aïd, dans l'adoration et plein de repentir à Allah. C'est-à-dire, doué de puissance. Mais ceci ne signifie pas la main. Le pluriel du mot main, yed, est Aïdi, comme le dit Allah. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains, Aïdina, ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires. Sourate 36, verset 71. Et de ce fait, l'explication du mot Aïd, par la puissance, ne consiste pas à donner un autre sens au mot que son sens apparent. Car le ta'wil signifie dévier le terme de son sens apparent pour lui en donner un autre. Il n'est donc pas permis de dire les salafs ont donné un autre sens à ce verset. Au contraire, lui ont donné son sens apparent. Ce n'est donc pas un ta'wil. Celui qui dit les salafs ont donné un autre sens que le sens apparent est soit ignorant, soit un ruseur qui veut utiliser cela comme prétexte pour amener les gens à sa voie de fausse interprétation. Et Allah est plus savant. Donc le pluriel du mot arabe yed, main, est aïdi, et non aïd, qui lui signifie puissance.